Chapitre 6e, Cotonou. Le lendemain, Cotonou était en vue dès l'aube. À vrai dire, ce n'est pas un port, mais un point d'atterrissement que nous avons muni d'un wharf. Autrefois, pour débarquer, il fallait franchir la barre. Celle-ci est formée par le choc successif de la mer contre trois gradins sous-marins qui courent tout le long de la côte occidentale d'Afrique. D'autres barres sont formées par la rencontre des eaux d'un fleuve avec la poussée de la mer. Mais à Cotonou, point de fleuve. Trois lames très hautes se forment l'une après l'autre, toutes trois se brisent sur la plage, y laissant à sec les pirogues qui ont pu surmonter ces lames sans chavirer. La barre de Cotonou était très dangereuse et peuplée de requins. Ceux-ci dévoraient une centaine de noirs piroguiers par an. Nous avons construit une sorte de jetée en fer à claire-bois qui s'avance au-delà de la barre et au-dessus. Elle est munie d'une grue de débarquement et d'un chemin de fer pour wagonner qui emporte les marchandises et les voyageurs. Quant à Cotonou, c'est une petite ville formée de factoreries ou de succursales des factoreries de Porto Novo qui ont là des bureaux pour l'embarquement et le débarquement des marchandises. Un fort domine et protège la ville et le wharf. Ce fort a été héroïquement attaqué par les Amazones de Béanzin et intrépidement défendu par les tirailleurs sénégalais. La nuit de l'assaut est une des plus belles pages de notre histoire coloniale. Les Amazones saisissaient les fusils dans les créneaux et voulaient les arracher des mains de nos soldats. Elles montrèrent une merveilleuse bravoure qui fit l'admiration des tirailleurs. Aussi, leur vaillance est-elle devenue légendaire dans l'infanterie de marine et dans nos troupes noires. La ville n'est pas jolie, pas même pittoresque. Elle s'élève, sèche et nue, sur une bande de sable. Dès que l'on vit le wharf, dans le lointain crépusculaire, Dussonville envoya une domestique du bord prévenir Mrs. Morton que Cotonou était en vue, les priant de s'habiller. Une demi-heure après, la tante et la nièce étaient sur le pont. Toutes deux allaient trouver le capitaine et Mrs. Morton déclara qu'elle voulait débarquer à Cotonou. Le capitaine avait l'air gêné. « Mrs. Morton, vous avez payé votre traversée jusqu'au cap. Pourquoi ne viendriez-vous pas avec nous jusque-là? Personne à bord ne vous a rien fait, rien dit de désagréable. » Mademoiselle de Pellouer intervint. « Capitaine, nous n'avons pas à discuter avec vous de choses qui ne regardent que nous. Nous débarquons parce que cela nous fait plaisir. Oh, je comprends, » dit le capitaine très aigrement. « Vous allez aider de votre témoignage le capitaine Dussonville à m'intenter un bon petit procès. » Des passagers se rassemblaient, écoutant cette discussion. « Capitaine, » riposta Mademoiselle de Pellouer, « en cas de procès, je dirai la simple vérité devant le tribunal. » Tout à coup, Dussonville se dégagea des rangs des passagers. Droit, haut, fier et menaçant, il dit d'une voix de stentor, « Je ne ferai pas de procès à des malheureux qui sont condamnés à subir un châtiment mérité. Ces dames seules ont protesté contre vous, et seules je les sauve en les faisant débarquer à Cotonou. Vous et votre équipage et vos passagers, allez où le destin vous pousse irrévocablement. Dans les jours de malheur, souvenez-vous du capitaine Dussonville. » Et offrant son bras à Mademoiselle de Pellouer, il lui dit, « Venez, ma nièce. » Puis par-dessus l'épaule, « Faites débarquer nos malles, je vous prie, capitaine. » D'un grand air, aux passagers très impressionnés, « Je laisse à Dieu le soin de me venger, et sa main puissante va s'apesantir sur vous. » Il conduisit Mademoiselle de Pellouer et Mrs. Morton sur la dunette, où ils demeurèrent jusqu'à ce que la vapeur eût accosté le wharf. Et les passagers s'entredisaient, « Son oncle ? » C'était son oncle ? C'était donc son droit de le défendre ? Cependant, les trois passagers débarquèrent, laissant une grande inquiétude planer sur le vapeur qui reprit la mer bientôt après. Quant à eux, ils ne firent que traverser la langue de sable sur laquelle Cotonou est bâtie et ils s'embarquèrent avec leurs bagages sur la lagune dans les grandes pirogues qui devaient les conduire à Porto Novo.